conte de fées en français. Dave le courageux. Il y a très longtemps, dans une forêt profonde, arriva une vieille sorcière. Elle était fatiguée parce qu'elle avait parcouru le monde à la recherche d'un voleur, le méchant qui avait volé ses trésors. J'ai attendu longtemps pour mettre la main sur vos trésors. Maintenant que vous êtes vieille et faible, je les ai enfin. Si vous voulez récupérer vos trésors, vieille sorcière, venez les chercher de l'autre côté de la grande rivière. Oh, le méchant! Tu ne connais pas mon pouvoir. Je te trouverai, je te combattrai et je reprendrai tous mes trésors. Maintenant qu'elle savait où vivait le méchant, elle vint s'installer près de la grande rivière. Mais la sorcière était vieille, et bien qu'elle ait eu la magie, elle n'avait pas la force de combattre le démon. Elle avait besoin d'aide. Juste à l'extérieur de la forêt, il y avait un petit village. La sorcière eut une idée pour obtenir de l'aide. Allez, plus vite, bande de traînards! Peu importe à quel point nous essayons, on ne peut pas te rattraper. Viens à moi, viens! Viens à moi, enfant! Tu as du travail à faire! Alors qu'il essayait d'attraper le ballon, Dave débarroula en bas de la colline et se réveilla dans la hutte de la sorcière. Ah! Qui es-tu? Tu es une sorcière? Oui, je suis une sorcière. Suis-je trop effrayante pour toi? Juste parce que je suis différente? Je savais qu'aucun humain n'est comme moi, donc j'ai dû te piéger pour que tu viennes ici. Mais vas-y, j'ai encore de la magie. Je m'en sortirai. Désolée, je ne voulais pas te faire de mal. Tous les humains sont comme ça. Vous pensez que toutes les sorcières sont mauvaises? Comme s'il n'y avait jamais eu d'humain qui était mauvais. Allez, va-t'en. Je suis désolée. Dites-moi, mamie, comment puis-je vous aider? Es-tu bien sûre? Oui, mais j'ai une seule demande. Mes parents doivent être inquiets. Pouvez-vous, s'il vous plaît, faire un peu de magie pour qu'ils ne s'inquiètent pas pour moi? Alors je ferai tout ce que vous me demanderez. Très bien. Je vais jeter un sort sur ton village pour que tout s'arrête jusqu'à ce que vous ayez terminé ma besogne. Merci. Tu dois avoir faim, mon petit. Tiens, prends ça. C'est délicieux. Qu'est-ce que c'est? C'est spécial, la nourriture des sorcières. Tu peux en avoir plus. Mange autant que tu veux. Dave mangea autant qu'il put. Puis la sorcière lui expliqua ce qu'il était censé faire. Le méchant qui vit au-delà de la grande rivière, c'est lui qui a volé mes précieux trésors. Je suis trop vieille pour le combattre. Je veux que tu me les ramènes. Mais je n'ai pas de magie ou de force, car je ne suis qu'un garçon. Je demanderai aux esprits de te donner force et sagesse. Mais pour cela, tu devras les séduire. Comment vais-je leur faire plaisir, mamie sorcière? Tu devras jeûner jusqu'à ce que tous les bons esprits viennent te donner leur bénédiction. Va donc t'asseoir là-bas près du feu pour ne pas avoir froid. Je vais demander à toutes les créatures de la forêt de te tenir compagnie pendant que tu jeûnes. Comme tu veux, mamie. Je t'aiderai. Dave s'allongea près du feu et toutes les créatures de la forêt se relayèrent pour lui tenir compagnie. Ainsi, 20 jours s'écoulèrent. Une nuit, pendant que Dave dormait, il entendit de faibles murmures alors que les esprits se rassemblaient autour de lui. Le lendemain matin, la sorcière vint le voir avec un bol de nourriture. Tu as jeûné pendant 20 jours! Tu es un garçon fort, tu dois avoir tellement faim. Tiens, prends ça. Merci. Est-ce que tous les bons esprits sont venus à toi et t'ont béni avec leurs cadeaux? Oh non! Certains esprits sont venus, mais d'autres sont restés à l'écart. Ils m'ont dit que je n'avais pas jeûné assez longtemps. Dans ce cas, tu dois jeûner un peu plus. Tu es d'accord, n'est-ce pas, fiston? Je t'ai promis de t'aider. Alors je le ferai sans hésiter. Et le jeune garçon s'allongea à nouveau près du feu et toutes les créatures de la forêt vinrent à lui pour lui tenir compagnie. Comme cela, 10 jours de plus passèrent. Et une nuit, les bons esprits revinrent. Le lendemain matin, la sorcière apporta de la nourriture à Dave et lui demanda encore une fois. Est-ce que les bons esprits sont venus et t'ont béni avec leurs cadeaux? Non, non. Certains esprits sont venus, mais d'autres sont restés à l'écart. Ils m'ont dit que je n'avais pas jeûné assez longtemps. Dans ce cas, tu dois jeûner encore un peu. Tu es d'accord, mon garçon? Je t'ai promis de t'aider, alors je le ferai certainement. Mais cette fois, alors que Dave se coucha, les esprits revinrent. Nous sommes satisfaits de votre sens du devoir. Nous vous donnons tous nos cadeaux. Vous êtes maintenant fort sage et vous serez en mesure de devenir plus grand ou plus petit comme vous le désirez. Dave et la sorcière furent ravis. Ils remercièrent les esprits et il était maintenant temps que Dave reprenne les trésors de la sorcière aux méchants. Le méchant a pris tout mon or et il a pris mon pont magique. Un pont que j'avais façonné en utilisant tous mes pouvoirs magiques. Un pont qui pourrait s'ouvrir pour vous permettre de traverser un ruisseau ou de devenir assez grand pour vous faire traverser un océan. Un pont qui peut atteindre le ciel ou vous emmener en dessous de la terre. Tu dois me le rapporter. Les esprits m'ont donné force et intelligence. Je suis certain que je pourrai le ramener. Porte-les et n'aie pas peur. Si tu leur fais confiance, elles te feront marcher sur la grande rivière et tu seras en mesure de la traverser. Je ferai ce que tu dis. Alors Dave quitta la maison de la sorcière et se dirigea vers la grande rivière. La rivière coulait si violemment que Dave avait peur d'y entrer. Mais il avait fait une promesse à la sorcière. Il ne pouvait pas faire demi-tour. Alors, prenant tout son courage, il essaya de marcher sur l'eau une fois de plus. Dave traversa la rivière et atteignit la maison du méchant. Il regarda par la fenêtre. Il vit que la chambre était pleine de sacs d'or et que le pont était dans un coin. Par la fenêtre de la cuisine, il vit le cuisinier préparer un énorme repas pour le méchant. Dave pensa à une ruse. Il rapetissa, monta dans la cuisine et se cacha derrière un bocal de poivrons rouges. C'est délicieux! Oh, Le maître est là. Dave emporta le méchant, toute sa maison avec l'or de la sorcière et le pont magique. Puis il retourna ainsi à la maison de la sorcière. J'ai ramené non seulement votre trésor, mais aussi le méchant, pour que vous puissiez le punir de telle sorte qu'il ne pense plus jamais à voler personne. Il n'y a qu'une chose à faire. Ici. Il restera pour toujours, afin qu'il ne puisse plus jamais blesser quelqu'un de vieux ou de faible. Plus jamais. C'en était fini du méchant. Et la sorcière était très reconnaissante envers Dave. Grâce à toi, je peux maintenant retourner dans mon monde. Courageux Dave, tu m'as tellement aidé. Dis-moi ce que je peux faire pour toi. Demande-moi ce que tu veux. Mamie, laisse-moi retourner chez moi comme j'étais. Je ne veux pas de pouvoir, pas de magie spéciale. Car nous, les humains, ne savons pas quand nous allons commencer à blesser les autres avec ça. Les esprits t'ont béni d'une vraie sagesse, Dave. Très bien, je te renverrai comme tu l'étais. Mais parce que tu as gagné tes pouvoirs, ils te reviendront le jour où tu en auras le plus besoin. Pour vraiment aider quelqu'un. Nous sommes fiers de toi, brave Dave. Ainsi, Dave retourna à sa maison. Et la sorcière s'en retourna aussi, traversant les étoiles, emportant avec elle ses trésors et son précieux pont.